suis venue à Paris, seul un beau soir, je n'avais pour seul ami que ma guitare, car mon rêve, c'est de chanter. En arrivant sur le quai, j'avais le cœur qui battait, rempli d'espoir, car mon rêve, c'est de chanter. Un jour, peut-être, je serai, peut-être. Je suis venue à Paris pour le savoir. J'ai quitté tous mes amis sans au revoir, car mon rêve, c'est de chanter. Thank you. yesterday on our way for our summer holiday. Hear the news, no more blues, only laughter for me and you. We've packed our bags and we're ready to go. It's gonna be a lot of fun, we know. Goodbye to the rain, goodbye to the clouds, goodbye to the life, every day the same. Cause it's here, never fear, it's our summer holiday. And it's here, never fear, it's our summer holiday.